Bonjour, bienvenue sur En Profondeur, c'est KUT 90.3 FM, c'est KUT.ca. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec l'auteur Julie Burel, qui a publié un livre qui s'intitule Encounters, Uncontested Lands, Indigenous Performance of Sovereignty and Nationhood in Quebec. Je vais l'interviewer, même si le titre du livre est en anglais, je vais l'interviewer en français. Julie Burel est francophone aussi. Alors, nous allons nous entretenir de l'histoire coloniale et des représentations culturelles coloniales dans le soi-disant Québec, territoire occupé de plusieurs peuples autochtones. Donc, on est sur leur terre et on continue de l'être et tout un travail de décolonisation à mener. Et nous avons aussi notre part en faisant face à la colonisation qui provient de nous, qui nous accompagne sur ces terres que nous occupons, dans le sens impérialiste et colonial du mot « occupé ». Et nous allons, avec elle, défaire les scénarios, représentations, performances coloniales, soi-disant Québec, comment on se représente notre histoire, comment cette histoire représentée est en négation ou en diminution de toute la violence coloniale qui continue à sévir sur ces terres et sur les populations autochtones. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons aussi parler, j'allais dire performer, d'une certaine façon, mais nous allons parler aussi des performances culturelles autochtones dont Julie Burel fait une étude aussi, en quoi elle aussi conteste ce scénario colonial, cette histoire coloniale du soi-disant Québec. Alors, nous allons nous entraîner donc avec Julie Burel. Alors, bonjour, nous sommes avec Julie Burel. Vous êtes bien avec nous? Oui, je suis. OK, merci. Alors, donc, on va commencer par vous présenter. Est-ce que vous pourriez dire qui vous êtes et pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Oui, d'accord. Alors, je m'appelle Julie Burel. Je suis professeure adjointe dans le département de théâtre et de danse à l'Université de la Californie à San Diego. Je viens de publier un livre qui traite des performances culturelles et du théâtre autochtone au Québec. Et voilà, je pense que la conversation va s'articuler autour de ça. Comme j'ai mentionné aujourd'hui, nous allons particulièrement traiter du livre dans l'aspect dans quoi il conteste, il critique, il défait le scénario colonial, l'histoire coloniale du Québec, du soi-disant Québec, et aussi visiter les différentes performances culturelles qui sont traitées dans le livre dans ce sens-là. Donc, en commençant, pouvez-vous nous parler du titre et de pourquoi ce titre-là? Oui, donc le livre s'appelle « Encounters on Contested Lands », rencontres sur un territoire contesté, entre autres parce que le Québec demeure, malgré le discours officiel, demeure un territoire occupé. C'est un territoire qui est contesté, donc il y a des souverainetés qui sont en compétition sur ce territoire-là. Il y a celle donc du Québec qui cherche à l'affirmer depuis très longtemps, mais il y a les souverainetés des premiers peuples qui prédatent celles du Québec. Et donc le livre s'organise autour de ces rencontres-là qui ont lieu sur ce territoire contesté, et puis ces rencontres qui sont parfois génératrices de conversations, mais parfois des rencontres ratées ou des rencontres violentes. Donc, le livre s'articule autour de cette notion-là de rencontre. Juste pour donner un contexte, vous enseignez à l'Université de San Diego, en Californie, mm-hmm. et vous êtes d'origine québécoise. Oui, oui, oui. J'ai grandi au Québec. Puis, comment vous arrivez à écrire ce livre-là? Quel est le contexte? Pourquoi? Oui. Ouais. En fait, c'est un livre qui s'est développé sur plusieurs années, qui a commencé quand j'ai commencé à faire mes études en théâtre à l'Université de Toronto. Je me suis trouvée à prendre un cours avec Lee Miracle, qui est une poétesse de la nation Stolo, mais aussi une grande intellectuelle des Premières Nations au Canada et qui, je pense, est venue parler à de questions qui étaient vraiment très importantes pour moi. Je m'étais toujours intéressée à l'aspect politique du théâtre, au potentiel révolutionnaire du théâtre. Et puis, je pense que dans son cours, je me suis mise à me poser des questions sur ce potentiel-là, s'il était appliqué dans ma communauté, donc dans la communauté québécoise, francophone, celle à laquelle je m'identifiais et je m'identifie toujours. Et puis, j'ai été forcée dans ce cours-là à commencer à me poser des questions assez fondamentales. Et puis, par la suite, je suis venue faire un doctorat en Californie et puis j'ai eu la chance de travailler avec des chercheurs qui faisaient partie de la lignée de Frantz Fanon, de penseurs décoloniaux. Et puis, ça m'a donné l'espace et puis le temps pour réfléchir à fond sur ces questions-là. Donc, le livre est vraiment la continuité de ma thèse de doctorat et puis qui a été peaufinée. J'ai rajouté des chapitres et tout, mais ça vient vraiment d'un questionnement profond sur ce que le théâtre et les performances culturelles peuvent nous révéler d'une société. Donc, j'utilise vraiment les performances culturelles et le théâtre comme outils diagnostiques qui nous permettent de vraiment sonder les relations de pouvoir, les structures qui organisent une société, en l'occurrence la société québécoise. Donc, le livre est vraiment à l'intersection, je dirais, des études théâtrales, de ce qu'on appelle les performance studies dans le monde anglophone. C'est un champ d'études qui est un petit peu moins connu dans le monde francophone, mais qui s'intéresse vraiment au théâtre de tous les jours, donc à la façon dont on performe notre identité culturelle, genrée, etc., en lien avec les forces qui façonnent une société. Donc, voilà, donc le livre est vraiment né de ces questionnements-là. Et puis de longues entrevues avec des artistes et puis d'un désir d'aussi participer à cette conversation-là à partir de ma position en tant que chercheuse allochtone, québécoise de souche et donc profondément impliquée dans ces questions-là. Est-ce que le recul que vous donne le fait de ne pas habiter au Québec permet plus facilement d'écrire un ouvrage qui est à ce point critique de la culture québécoise? Oui, je pense que oui, en fait. Je dirais que pour moi, le fait d'avoir écrit ma thèse et puis ensuite le livre à partir des États-Unis, qui est un pays extrêmement problématique à plein niveau, mais où les discussions autour de les examens de conscience, en tout cas dans les départements où dans lesquels j'ai travaillé, étaient vraiment à la surface. Donc, ces questions-là étaient vraiment posées. Ça m'a permis aussi de les poser à ma communauté, à moi. Je remarque aussi que peut-être les critiques les plus complexes qui sont articulées en lien avec le Québec en ce moment sont articulées par des auteurs qui ne sont pas employés au Québec. Donc, Pierrot Rostremblay, qui était en première partie de votre émission, travaille en Ontario pour le moment. Je pense à Bruno Cornelier, qui est au Manitoba, Isabelle Saint-Amand, qui est en Ontario. Donc, il semble que ce soit plus facile d'articuler ces critiques-là en dehors du Québec. Oui. Pour entrer dans le cœur du livre, on parle de différentes représentations théâtrales, cinématographiques, littéraires, artistiques. Au tout début du livre, vous entrez plus dans comment est-ce que toutes ces représentations-là, particulièrement québécoises, francophones, jouent sur l'histoire coloniale, comment, et même les scénarios qui veulent se rapprocher, disons, des relations avec les peuples autochtones, mm-hmm. sont des récits qui défont la violence coloniale, qui la nie, qui l'efface mm-hmm. ou qui la diminue grandement. Oui, oui, tout à fait. C'est en fait, deux auteurs que je trouve particulièrement intéressants pour aller au cœur de ces questions-là, c'est Kay Wen Yang et Yves Tuck, qui ont écrit un article qui est assez important dans les études décoloniales et qui parle de ce qu'ils appellent les settlers move to innocence, donc les espèces de stratégies pour s'auto-innocenter en tant que membre de la communauté colonisatrice. Et puis, je pense que ça m'a été très utile pour arriver à comprendre ce qui se passait dans certaines représentations culturelles au Québec qui, en apparence, semblaient être des gestes de réconciliation ou d'approche de l'autre, mais qui, en bout de ligne, servaient à resolidifier la trame narrative du Québec et à, quelque part, fermer le dialogue ou les questions posées par les Autochtones ou se les approprier. Donc, dans certains cas, on assiste au Québec en ce moment à une montée fulgurante d'un discours métissé qui semble dire que les Québécois de souche sont en fait métissés et qui viennent revisiter le passé en Nouvelle-France avec un certain romantisme qui essaie de dire que finalement la Nouvelle-France c'était un colonisateur soft qui était beaucoup plus intéressé au métissage, qui s'était épris des femmes autochtones et donc que les Québécois ont toujours été métissés et qu'il suffirait donc de s'en souvenir pour finalement arriver à être éclairé par rapport à la situation. On voit ça dans des films comme L'Empreinte qui sont vraiment qui poussent cette thèse-là de façon assez ouverte. On le voit dans d'autres manifestations au Québec. On voit une montée assez fulgurante de nouvelles nations autochtones, métisses, qui cherchent à être reconnues avec ce statut-là. Donc, il y a vraiment... puis dans ce mouvement vers l'auto-métissage, c'est pas l'auto-métissage, mais cette... auto-autochtonisation. Voilà, merci. Il y a un geste d'effacement complet des Autochtones. C'est une façon de s'approprier ce terme-là et donc de s'affirmer comme étant nous-mêmes autochtones au Québec. Et donc, quand on devient en relation de compétition en lien avec cette autochtonie-là, il y a vraiment c'est une continuation de la logique coloniale. Quand on pense à ce que Patrick Wolfe a écrit sur le colonialisme de peuplement, il dit qu'à la base, c'est la stratégie primordiale, celle qui organise la création de ces colonies, c'est l'effacement, la destruction des cultures autochtones. Ben, quand on se dit nous-mêmes autochtones et qu'on essaie d'effacer l'appartenance des autres, il y a quelque part où ça continue la logique de la colonie de peuplement. Donc ça, c'est une des choses que j'observe dans un des chapitres de mon livre, en particulier autour du film L'Empreinte, là. En quoi ce récit-là, il est faux? Ben, moi, je sais qu'il est faux, mais genre, pour le commun des mortels, comment vous leur expliquez que ce récit-là, il est faux? Ou mensonger? Ben, toute nation, en fait, toute communauté se définit à partir de grands récits fondateurs, de grands mythes qui sont racontés sous toutes sortes de formes. Le Québec, depuis longtemps, s'est créé toute une trame narrative nationale autour de certains faits historiques et en a oublié d'autres quand ça faisait son affaire. Donc, ce qu'on voit beaucoup en ce moment et depuis longtemps, c'est une réécriture du passé qui favorise ou qui priorise en fait l'ère où les francophones ont été colonisés par les Britanniques et qui, en même temps, efface ou minimise le rôle colonisateur du Québec et sa complicité par la suite dans la colonisation, dans le projet canadien de colonisation. Donc, puis ça, c'est articulé à tous les niveaux, dans toutes les strates de la société, dans l'éducation qu'on reçoit, dans le type de projet artistique qui sont représentés sur scène. Les discours nationaux, ils sont conjugués sous toutes sortes de formes, tant dans l'éducation que dans les projets de loi, que dans les commémorations, ce qui est commémoré versus ce qui ne l'est pas, qui sont nos héros. Donc, ce qu'on voit au Québec depuis très longtemps, c'est un grand investissement dans cette trame narrative-là qui innocente le Québec quelque part et qui fait que les francophones sont positionnés comme marginalisés au même titre que les autochtones presque à certains niveaux. Eux aussi, les Québec, dans la trame narrative, ce qu'on entend, c'est que les francophones ont fait face à d'immenses défis, à des tentatives d'assimilation qui sont réelles, on ne peut pas les nier, mais qui ne sont pas du même ordre que celles qui ont été vécues par les Autochtones. Mais on sent que dans la trame narrative défendue par le Québec, il y a un grand investissement à rendre cette marginalisation-là égale à celle des Autochtones, ou en tout cas de la positionner d'une façon qui innocente le Québec. Ouais. Un des textes dont vous parliez, c'est « Decolonization is not a metaphor ». Oui, voilà. Mm-hmm. La décolonisation n'est pas une métaphore pour traduire en français, mais à partir de ce texte-là, est-ce qu'on pourrait dire que les Québécois ont été colonisés? Parce que ça me semble plutôt critiquer le fait aussi que, genre, les colons qui prétendraient d'être colonisés. Ah oui, dans ce sens-là. OK, pardon. Ils ont eux-mêmes une origine beaucoup plus coloniale. Oui. Même si, comme il dit, on peut pas nier l'oppression qu'il y a eu, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de colonisation des Québécois? Voilà, c'est une très bonne question. Puis une sur laquelle j'essaie de me pencher dans le livre, je pense que... et là-dessus, je m'inspire beaucoup d'un de mes professeurs qui s'appelle Frank Wilderson et qui parle de grandes familles structurelles. Et puis je pense que, quelque part, les tensions entre le Canada anglais et les Québécois se passent à l'intérieur de la grande famille des colonisateurs. Donc, c'est une dispute dans la famille. Alors que si on observe les peuples autochtones, il n'y a pas eu d'oscillation entre colonisateurs et colonisés. Ils ont toujours été du côté des colonisés. Alors, je pense que effectivement, il y a dans ce terme-là, dans cette appropriation du terme colonisé par les Québécois, il y a quelque chose de faux. Oui, ils ont été marginalisés à l'intérieur de cette famille de colonisateurs, mais on ne peut pas parler d'un statut de colonisé au même titre que celui des Autochtones ou d'autres populations colonisées dans le monde. D'ailleurs, quand Frantz Fanon et Jacques Mémy ont mis de l'avant leur grande théorie décolonisatrice dans les années 50-60, une de leurs grandes surprises, ça a été de voir les francophones du Québec adopter leur théorie et la rendre leur, comme si, quelque part, Fanon et Mémy parlaient d'eux. Et puis, ça a été une grande surprise, parce qu'au début, Mémy disait, ben non, vous êtes les francophones du Québec, vous êtes des colonisateurs et non pas des colonisés. Et puis, il y a donc eu vraiment certaines tensions à ce niveau-là. Là. Ouais. Dans ce livre aussi, au tout début, vous parlez aussi du fameux livre de Pierre Vallière, dont on ne va pas dire le nom, poursuivre votre exemple dans votre livre, qui fait une comparaison entre les Canadiens français ou les Québécois et les Afro-descendants ou les Noirs, qui paraît aussi mensongeur. Oui, là encore, il y a une analogie qui ne tient pas la route. Puis d'ailleurs, c'est très surprenant qu'encore aujourd'hui, on l'a vu ressurgir dans le débat autour de Robert Lepage l'été dernier, mais que cette analogie-là soit encore défendue à certains niveaux. Elle n'a jamais tenu la route. On ne peut pas comparer la situation des Afro-Américains et celle des Québécois. C'est une analogie qui est grossière et erronée. Mais ceci dit, elle a tenu la route pendant longtemps et on peut voir à quel point, justement, ce type d'analogie-là qui cherche à innocenter le Québec continue à avoir énormément d'emprise. Ouais. Puis une des choses que vous dites au début aussi par rapport aux colonisations canadiennes et québécoises, c'est comment elles se renforcissent aussi. Puis là, vous donnez l'exemple de la crise d'Oka, ou la soi-disant crise d'Oka. Mm-hmm. Comment est-ce que ça vous apparaît? Que dans le fond, ces colonisations-là qui sont prétendument en opposition ou en conflit, en réalité, beaucoup plus se renforcissent? Ben, en fait, on en a un exemple assez classique dans les événements d'Oka, qui d'ailleurs, en suivant l'exemple de plusieurs chercheurs autochtones, j'appelle pas la crise d'Oka parce que, comme le disent plusieurs chercheurs autochtones, Audra Simpson et d'autres, la crise, c'était l'état d'esprit des non-autochtones. Les autochtones, c'était une continuation de la même oppression depuis, qui durait depuis toujours. Donc, le scénario de crise, c'est vraiment quelque chose qui a été imposé par les médias non-autochtones. Mais ce qu'on voit très clairement dans les événements d'Oka, c'est que si le discours national tel que mis de l'avant par le Québec était vrai et vécu, on aurait pu voir le Québec s'aligner avec la résistance à Oka, la résistance Mohawk, j'entends, et dire effectivement, on a ici un ennemi commun, le soi-disant oppresseur canadien-anglais, et allions-nous. Mais ce qu'on a vu, au contraire, c'est un appel à cette solidarité colonialiste quand le Québec s'est tourné vers le Canada anglais pour obtenir des renforts. Donc, on a vu cet alignement-là se jouer de façon très claire autour de la situation à Oka. On n'a pas vu une solidarité entre les peuples autochtones et le Québec, au contraire. Donc, ça rend ça encore plus, disons, problématique quand on voit par la suite cette espèce de mouvement vers une déclaration d'un métissage depuis toujours. S'il y avait eu un métissage depuis toujours, il y aurait eu une reconnaissance de ce qui se passait dans les communautés Mohawk comme étant de l'ordre de la même lutte que celle que, soi-disant, le Québec est en train de mener, quoi. Alors, on parlait avec Julie Burel avant la pause. Vous êtes toujours avec nous? Oui, toujours. Donc, on va parler des discours. On a parlé du métissage et des différentes façons de revoir l'histoire d'une manière à encourager, à quelque part, la colonisation du Québec, mais en fait, certainement. Donc, mais comment est-ce que ce sont véhiculés? Quels sont les véhicules dont vous parlez dans votre livre particulier qui font, qui ont ce lien-là avec l'histoire? Ben, ils sont multiples, je dirais. C'est certain que cette trame narrative-là, elle est véhiculée par l'éducation, dans le type de recherche qui se fait, mais aussi dans les produits culturels qui sont consommés au Québec, qui sont mis de l'avant, qui sont priorisés au Québec. Donc, je dirais que c'est un peu comme ça, d'ailleurs, que toute la structure qui légitimise le colonialisme de peuplement s'installe et devient la norme. C'est que cette structure-là, elle est solidifiée dans notre éducation, dans ce qu'on reçoit à la petite école autant qu'à l'université. Et puis, je pense que vous faites un peu allusion au type de recherche qui se fait au Québec par des anthropologues. Et puis, je suis pas là du tout pour discréditer leur travail, au contraire, mais je pense qu'on n'est jamais neutre ou impartial en tant que chercheur et qu'il y a certainement... disons que ce qui se fait au Québec est le type de travail pour essayer d'aller faire une excavation de quelque chose de positif ou de romantique dans le colonialisme français, ça existe pas ailleurs. C'est vraiment très, ça se passe beaucoup dans le monde intellectuel québécois, mais dès qu'on sort du Québec, c'est beaucoup plus complexe comme engagement avec cette période historique-là. Alors qu'au Québec, on a quand même, on voit beaucoup d'ouvrages académiques qui viennent à la défense d'une certaine thèse québécoise. Et puis, ça fait partie de l'examen de conscience qu'on doit faire en tant que chercheur académique, à quel projet on veut participer. Et puis, voilà, je pense qu'il y a, certainement certains biais dans la façon dont certaines recherches sont mises de l'avant, quoi. Ouais. Vous allez parler aussi de l'empreinte, de Québécoisie, de différents autres récits. Ces récits-là sont aussi cautionnés, à quelque part, par des intellectuels québécois, vous nommez aussi, parce que je pense que c'est quand même important qu'on les nomme, parce qu'ils sont très omniprésents au Québec. Puis vous parlez, entre autres, de Serge Bouchard. J'aimerais ça vous entendre sur la critique que vous faites de Serge Bouchard dans le livre. Oui. Ben, c'est toujours un peu difficile parce que Serge Bouchard est un personnage extrêmement sympathique qui est très aimé au Québec, mais qui quelque part, je pense, est devenu quelqu'un qui est en train de rendre légitime toute une réécriture de l'histoire. Entre autres, il est l'espèce de personne ressource dans deux films que j'examine dans mon livre, L'Empreinte, mais aussi Québécoisie. Et dans les deux cas, il se fait l'avocat vraiment très convaincu de ce qu'il appelle l'espèce de métissage au début de la colonisation. Et si on l'écoutait, on serait convaincu que on parlait d'un phénomène extrêmement répandu, que lors des débuts de la colonisation, il y avait un métissage complet et que les choses étaient très roses et que l'espèce de rencontre qui s'est faite au début de la colonisation en était une égalitaire, où il n'y avait pas un projet d'appropriation des territoires autochtones. Bon, à l'entendre, c'est vraiment c'est une grande histoire d'amitié, quoi. Et puis, ben, les choses, les faits, les données généalogiques, génétique, les données statistiques, les relevés de mariage de l'époque, il n'y a pas grand-chose qui soutient vraiment son travail ou cette version-là de l'histoire. Ce qui fait que c'est important de remettre ça en question puis de poser des questions sur ce qui... sur la mission qu'il poursuit quelque part, parce que on voit quelqu'un comme Daryl Leroux qui, depuis des années, est allé fouiller les données généalogiques de la Nouvelle-France et qui, en faisant aussi appel à toute une banque de données génétiques qui fait partie du monde universitaire québécois, en arrive à dire, mais ça ne se défend pas comme trame narrative du passé, et pourtant, Serge Bouchard est devenu la personne clé à aller interroger dès qu'il est question de cette relation entre les premiers peuples et le Québec. Mais et là-dessus, je pense que Québécoisie fait un meilleur travail en mettant Serge Bouchard en conversation avec Pierrot Ross-Tremblay, qui lui vient... questionner cette trame narrative-là de Serge Bouchard et qui dit à un moment dans le film, quelque part, le Québec est assis sur les premiers peuples et il lui demande, puis ça va, est-ce que ça va en dessous? Ben non, vous êtes assis sur nous, quoi. Et puis, donc je pense que dans Québécoisie, au moins, il y a un désir de mettre ces deux voix-là en conversation, ou en tout cas de les mettre une à côté de l'autre pour que il y a peut-être une ébauche de réflexion qui se fasse, mais dans l'empreinte, c'est pas là. Donc, on reste avec cette image-là que cet anthropologue chevronné-là, qui est une figure très importante au Québec, nous dit que, voilà, telles étaient les choses dans le passé et que si seulement on s'en souvenait et qu'on revenait à cette espèce d'état de jardin d'Éden ensemble, tout pourrait mieux aller, mais... c'est pas la réalité. Et puis, ça oublie aussi que entre ces quelques, la première période de la Nouvelle-France et ce qui s'est passé aujourd'hui, on a les pensionnats, on a toute une série de lois extrêmement violentes. On a une violence sanctionnée par le Canada et le Québec, malgré ce qu'en disent bien des personnes. Mais, donc, il y a vraiment une vision très, je dirais, biaisé, quoi, de la réalité. Ouais. Donc, nous sommes toujours à CKUT 90.3 FM à Montréal, soi-disant Montréal. Donc, on parlait de Serge Bouchard, mais on pourrait parler de plusieurs autres personnes qui sont très influentes au niveau intellectuel, soi-disant Québec. Vous parlez aussi du contrôle de l'histoire dans l'édition, de comment l'édition de l'histoire sur les Autochtones est contrôlée encore très, très majoritairement par les éditeurs francophones blancs. Oui. Puis c'est le cas, c'est pas ça, c'est pas c'est pas seulement au Québec, mais je dirais que les choses bougent plus vite ailleurs au Canada anglais, aux États-Unis, où on voit justement un changement à ce niveau-là pour que la recherche qui se fait et qui se publie soit sanctionnée et lue et évaluée par des intellectuels, des chercheurs autochtones et pour qui les enjeux sont vécus et très importants. Donc, mais ce qu'on sent, c'est qu'au Québec, il y a encore ça n'a pas vraiment bougé encore. Et on peut voir aussi qu'au niveau des programmes universitaires, le Québec est un peu et quand même plusieurs années en arrière par rapport à ce qui se fait en Colombie-Britannique, par exemple, ou au Manitoba, dans l'embauche de professeurs autochtones pour enseigner les études autochtones ou bien d'éditeurs autochtones. Et puis, donc il y a encore quelque part un certain contrôle voilà, de ce qui sort et de ce qui peut être dit. Ouais. Mais dans une grosse partie du livre, vous parlez par contre de toutes les performances culturelles, artistiques venant des Autochtones eux-mêmes, elles-mêmes. Oui. Oui. Et aussi en quoi elles remettent aussi en question cette histoire coloniale. J'aimerais que vous entriez là-dessus. Je sais qu'on n'aura pas le temps de finir là-dessus. Mais de toute façon, on finira sur rien aujourd'hui parce que c'est quand même trop profond pour pouvoir finir sur quelque chose. Mais j'aimerais ça au moins que vous en parliez. Oui, bien sûr, puis avec plaisir parce que c'est la partie du livre, je pense, moi, qui m'a fait le plus plaisir d'écrire. Donc, si les deux premiers chapitres sont vraiment autour de, je dirais, de rencontres ratées ou en tout cas pas très bien réussies entre des artistes allochtones et des questions autochtones, les autres chapitres se penchent vraiment sur le travail d'artistes et d'intervenants autochtones qui, eux, font un travail de fond et depuis longtemps pour parler à leur communauté pour vraiment questionner les prémices de la nation québécoise, pour constamment réaffirmer leur souveraineté intellectuelle, culturelle, territoriale au Québec. Donc, je me penche, entre autres, sur le théâtre de Ondinuk, qui est une compagnie théâtrale qui œuvre depuis plus de 30 ans à Montréal et qui a été cofondée par, entre autres, Yves Sioui-Durand de la nation Huron-Wendat et Catherine Jonca, et puis qui, depuis 30 ans, fait un théâtre de création absolument extraordinaire, mais qui continue à être un peu relégué aux marges de l'histoire du théâtre québécois, alors que, à mon sens, c'est un théâtre qui sonde l'âme de la société québécoise, mais aussi de toutes les Amériques, et qui va vraiment se poser des questions sur cette première grande blessure-là qui est issue de cette rencontre violente entre les colonisateurs et les peuples autochtones, puis qui se pose la question très clairement, comment on va de l'avant, comment on en guérit, comment, pour les peuples autochtones, est-ce qu'on peut aller se réapproprier ce patrimoine culturel-là qui, parfois, a été fracturé et parfois a été transmis un peu underground pour que le savoir continue à se transmettre, mais ça s'est fait dans des conditions difficiles. Donc j'ai un chapitre qui est vraiment qui porte sur Ondinuk et sur en particulier le travail de rapatriement culturel qu'ils font. J'ai aussi un chapitre qui parle de films et de cet espace visuel là. Comment le cinéma a ouvert tout un espace de représentation pour les peuples autochtones, ce qu'on peut voir avec le Wapikoni Mobile, entre autres, mais avec le film de le premier long métrage autochtone francophone au Québec qui a été réalisé par Yves Sioui-Durand de Ondinuk, qui était une adaptation de Hamlet dans un contexte d'une réserve autochtone fictive. Et puis, donc, je me pose beaucoup la question sur qu'est-ce qui est possible dans le monde du cinéma? Qu'est-ce que ça permet comme geste d'auto-représentation? Ce qu'on voit beaucoup, c'est que depuis très longtemps, les représentations de personnages ou de réalités autochtones qu'on voit sur les écrans, sur la scène théâtrale ou à la télé sont très stéréotypées, très réductrices. Et puis, qu'on voit dans le Wapikoni Mobile ou dans le film d'Yves Sioui-Durand, c'est une prise en charge de cette représentation-là, puis et vraiment la création de scénarios extrêmement complexes et riches qui parlent de toutes les grandes problématiques ou de plusieurs, en tout cas, problématiques autochtones vécues à l'heure actuelle. Donc, ce qui ressort vraiment de ces trois chapitres-là, c'est à quel point, depuis toujours, et ça reprend aussi ce que Pierrot Rostremblay disait au début de l'émission, c'est que il y a toujours eu une continuation de ces récits autochtones-là, de cette façon de comprendre le monde, de cette façon de s'organiser, et puis que ce sont des récits qui sont profondément contemporains parce qu'ils sont encore... sont encore dits, sont encore performés, sont encore utiles. Donc voilà, le reste du livre se penche vraiment sur ces performances-là et vient examiner en quoi est-ce que ces performances-là proposent une autre façon de lire ce que pourrait être une nation ou un projet national ou en tout cas un projet sociétaire sur le territoire qui s'appelle actuellement le Québec, ouais. Un des beaux exemples, qui n'est pas dans votre livre, mais qui est quand même sur votre blog, dont vous parlez, c'est la revue numéro 321 de la revue Liberté. Oui. Qui est un numéro dirigé par Pierre Rostremblay, donc sociologue guinou, avec Nawel Hamidi et Daryl Leroux. Oui. Qui offre justement une histoire qui est dirigée parce que la revue l'est, essentiellement par des Autochtones. Oui. Voilà. Non, puis ça a été vraiment un honneur de faire partie de ce numéro-là parce que c'était, ben d'une part, ça s'est fait dans un plaisir et une collaboration absolument merveilleuse, mais aussi ce qu'on voit émerger de ce numéro spécial-là, c'est ce qui est possible quand il y a une réelle écoute et un réel désir d'aller à la rencontre de l'autre. Il faut mettre de côté nos a priori, puis être prêt à remettre en question peut-être ce qu'on compte comme étant la norme inquestionnable, quoi. Donc, autour de la table de ce numéro spécial-là, il y avait la question, non pas comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec ce qui existe actuellement, mais comment est-ce qu'on peut penser à quelque chose de différent pour le futur qui repartirait sur d'autres bases, qui serait profondément décolonial. C'est un autre projet entièrement, ouais. Et de notre part, en tant que Québécois, Français ou francophones de souche, soi-disant, parce que j'aime pas trop l'expression, mais de toute façon, l'expression est toujours là dans le livre en étant une critique de l'expression elle-même. Le terme n'est pas très chouette, je l'avoue. Moi, j'aime mieux dire Québec-Français. Québécois-Français de souche parce que ça fait français de souche. Oui. Mais bon, quel est notre rôle à confronter ces récits-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Oui. Vous êtes sûrement posé la question de multiples fois. Oui, absolument. Puis je pense que à la commission Vérité-Réconciliation, quand il y a eu les audiences à Montréal, il y avait... un panel, et puis son nom m'échappe soudainement, en tout cas une figure de proue de la résistance Mohawk qui avait dit vous savez, ça commence par vous, on est là-dedans ensemble, on est tanné de vous éduquer, quoi. Et puis je pense qu'il faut prendre ça à cœur et se dire que le labeur de s'éduquer et d'éduquer les autres ne peut pas toujours être sur ne peut pas toujours revenir aux peuples autochtones. Ils sont déjà chargés de tellement de projets et ils sont marginalisés à plein d'égards. Et la responsabilité de s'éduquer soi-même, c'est un geste de départ qui est très important. Donc, d'aller se poser des questions, d'aller s'éduquer sur la réalité, la situation politique des peuples autochtones, mais aussi de notre responsabilité en tant que les traités, ça se fait en deux parties, et puis on est l'autre partie des traités. Donc, il faut en être conscient, puis aller vraiment s'éduquer à ce niveau-là. Moi, je suis éducatrice, j'enseigne à l'université. J'ai pour moi, ce projet-là fait partie de toutes mes structures de cours, même quand j'enseigne des cours qui ne sont pas nécessairement, qui ne portent pas nécessairement sur le théâtre autochtone, mais quand j'enseigne le théâtre européen, je parle de colonialisme et je situe ce théâtre-là dans cette histoire-là. Donc, de ne pas perdre de vue ce qu'on peut faire à tous les niveaux dans notre occupation quotidienne pour garder ce dialogue-là actif. Donc, pour moi, ça, puis c'est mineur, bien sûr. Là, je m'imagine pas que je vais changer le monde, mais je pense que en touchant le développement intellectuel de mes étudiants, en semant des petites graines qui vont peut-être pousser puis donner d'autres résultats, ben j'espère que je contribue un peu à ce dialogue-là, quoi. Bien, merci. Le livre s'intitule Encounters on Contested Lands, Indigenous Performance of Sovereignty and Nationhood in Québec. Est-ce que c'est pas mal disponible dans les librairies au Québec en ce moment? Je ne sais pas, mais je pense que ça... En tout cas, c'est disponible sur Amazon et je pense que Renaud Bré peut le commander, mais je ne suis pas complètement certaine. Ça vient tout juste de sortir, donc je ne suis pas absolument certaine. Et est-ce qu'il y a eu une réception du livre ici? Ben oui, en fait, j'ai eu certaines approches pour parler de traduction. Donc, ça se peut que ça sorte en français éventuellement, mais c'est encore trop tôt pour dire. Là, mais oui, effectivement. Puis, il commence à y avoir certaines réponses au niveau universitaire, tout ça. Mais c'est toujours lent, ces choses-là. Le monde académique, ça va à un certain rythme. Et à part moi, est-ce qu'il y a eu d'autres approches médiatiques de votre livre au Québec? Au Québec, non. Pas encore, non. OK. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pendant toute l'heure. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, ça fait vraiment plaisir aussi. OK.